Amen. I say, hallelujah. Je suis très contente ce matin, hallelujah, parce que nous avons parmi nous un des nôtres. Amen. Hallelujah. C'est un jeune homme que je connais depuis des années, qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur, et malgré lui-même, il est en train de servir le Seigneur à plein temps. Hallelujah. Il est venu au Ghana pour ses études, juste comme vous, apprendre l'anglais et puis continuer. Et à la fin, l'appel de Dieu l'a attrapé. Il a été pris par surprise. Amen. Mais le Seigneur a été fidèle et le Seigneur l'a gardé, l'a préservé. Aujourd'hui, il travaille à plein temps, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'évêque directement, l'évêque d'Agewad Mills. Il est un des directeurs de croisade. Jésus qui guérit. Hallelujah. Donc, ce sont les évangélistes qui partent créer ou tracer le chemin afin que l'évangéliste lui-même vienne prêcher. Hallelujah. Et je crois que c'est un métier très honorable. Hallelujah. C'est vrai qu'il est venu exercer, je sais pas, il est venu faire qui sait quoi. Et Dieu avait des projets différents. La Bible dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Des projets de bonheur. Et je crois qu'il n'est pas triste. Attends. Je crois qu'il n'est pas malheureux et il n'est pas souffrant non plus par la grâce de Dieu. Donc j'aimerais qu'on reçoive notre grand frère, notre ami, notre pasteur, notre bishop, pasteur révérend Christian Adoupo. Alléluia. Tu vas fermer les yeux et lever ta main vers son trône. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir t'adorer. Nous te sommes infiniment reconnaissants car nous savons que chaque fois que nous nous réunissons, tu as quelque chose à nous communiquer. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hey. C'est pas facile. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de Lady Reverend Simone. Alléluia. C'est une maman merveilleuse pour nous autres. Une maman très ointe. Alléluia. Et nos vies sont bénies par son canal. Si tu es content, tu vas clamer Dieu avec moi. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Lady Pastor Akos. Wow. Il y a un langage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais ici, derrière une grande femme, il y a aussi une grande femme. Quand j'ai vu la chorale Barak chanter, j'ai dit, waouh! La chorale seulement, c'est déjà une église. Amen. C'était super. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose de très simple. Amen. Sur le secret. Amen. Le secret. Qui veut réussir avec le Seigneur? Wow. Amen. C'est le désir de tout le monde. C'est le désir de tous les pasteurs. Lorsque tu as connu la grâce de rencontrer Jésus-Christ, notre désir, c'est de voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Alléluia. Mais quand j'essaie de faire un petit bilan, ce n'est pas aussi automatique. Amen. Beaucoup commencent toujours bien. Beaucoup ont goûté au salut. Beaucoup apprécient. Beaucoup demeurent. Et certains aussi lâchent. Amen. Et je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu qu'une personne qui a goûté au salut se refroidisse. Alléluia. Parce que Dieu n'investit pas pour perdre. Amen. Quand Dieu investit, c'est pour gagner. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 15 que il est le sceptre. Et toute branche qui est connectée à lui, qui ne porte pas fruit, sera coupée. Amen. En d'autres termes, si tu es connecté à lui, tu porteras forcément fruit. Alléluia. Et ce matin, il y a un petit secret que je vais partager avec vous parce que vous êtes mes frères. Amen. Tout être humain qui aime, aime l'intimité. C'est pas ça? Quand une fille aime un homme, elle aime être en intimité. Même quand ses frères sont là, ses frères dérangent l'atmosphère. Amen. Yeah. Je connais des frères. Quand ils vont rendre visite à une soeur et qu'il y a une autre soeur qui est là-bas, ils sont plus confortables. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux partager des moments seul à seul avec cette personne-là. Est-ce que c'est faux? Yeah. Je n'ai pas dit de partir passer la nuit là-bas. Amen. Mais être à sa compagnie, écouter sa voix, partager ses peines, partager ses joies, se réjouir pour le bien, se réjouir aussi, supporter aussi pour le mal. Amen. On aime tout ça. Amen. Et c'est un des secrets que le Seigneur nous a révélé, mais que nous ne prenons pas le temps d'examiner. Amen. Notre temps de méditation seul à seul avec le Seigneur. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui n'arrive pas ou bien ne trouve plus son plaisir à passer un temps intime avec son Dieu. Alléluia. Il n'arrive pas à s'épanouir dans sa relation avec ton Dieu. Ton Dieu est ton mari. Quand je parle de ton mari, Jésus est l'époux. Et nous, les fidèles, nous, les enfants, nous sommes l'époux, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse. En d'autres termes, on devait nous réjouir de passer du temps à communiquer avec le Seigneur. Mais qui reconnaît que c'est pas évident? Yeah. Et parce que c'est pas évident, on a du mal à pouvoir grandir et être épanoui spirituellement. Vous savez, le Seigneur ne fera plus un autre sacrifice. Dieu a déjà fini sa part en ce qui concerne son amour pour nous. Il nous appartient de pouvoir utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition afin que notre joie soit complète. Alléluia. Yeah. Il nous appartient de pouvoir nourrir cette relation que Dieu a déjà établie afin que nous puissions grandir. Vous voyez, dans un bâtiment, quand j'étais à Abidjan en décembre, il y a eu beaucoup de problèmes à Abidjan. Parce que quand il pleut, les bâtiments s'écroulent. Yeah. En décembre, lorsqu'il pleut, tout le monde est devant la télévision parce qu'ils vont annoncer que dans tel quartier, il y a un immeuble qui s'est écroulé. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas bonne. Les ingénieurs en construction, avec tout leur savoir, ont dilué. En fait, ils n'ont pas respecté les normes de construction. En voulant sauver de l'argent, ils ont utilisé plus de sable et moins de ciment. Ils ont bâti un grand édifice. Et lorsqu'il y a un petit vent, une petite secousse, le bâtiment s'écroule. Quand l'évêque était à Abidjan, à Abobo pour la croisade, je partais là où il logeait. Et quand je partais, il y a eu embouteillage. Quand on a regardé bien, il venait de pleuvoir et un bâtiment, un immeuble venait de s'écrouler non loin de là où il était. Alors que c'est Cocody. Cocody, quartier des Chocos. Où tout doit être luxueux et bien fait. Mais de nos jours, on bâtit des maisons sans respecter les normes. Et à cause de cela, la fondation ne peut pas résister à une simple pluie. Vous voyez. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à marcher avec le Seigneur. Dieu n'est pas menteur. C'est nous qui sommes menteurs. Si Dieu sait que tu peux pas marcher dans la foi, ou que tu peux pas réussir avec lui, il te le dirait. Amen. Il te le ferait savoir. Mais parce que notre fondation dans notre relation avec Dieu n'est pas aussi vraie. Nous ne respectons pas les normes avec Dieu. Ce qui fait que quand on change, quand l'atmosphère change, c'est-à-dire quand tu te déplaces, ou bien même quand tu voyages, immédiatement ta foi bascule. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu auras le remède. C'est parce que on n'apprend pas à développer une intimité avec le Seigneur. Quand tu es born again, tu n'es plus seul. Il est, si tu étais seul, j'allais te le dire. Tu n'es plus seul. Amen. Il est avec toi. Amen. Et parce qu'il est avec toi, tu peux tout. Amen. Quelle qu'en soit la pluie, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les vents et marées, Dieu a dit dans sa parole que tu ne serais jamais tenté au-delà de tes forces. Pourquoi est-ce que lorsque vous voyagez, ou quand vous rentrez au pays, on n'a pas cette assurance dans le cœur que tel ou tel va demeurer? Parce que tu n'as pas respecté les normes ici à Accra. Amen. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous tous, qu'on s'examine. Amen. Qu'on essaie de s'examiner pour revoir là où on a triché avec Dieu. Là où on a triché, parce qu'on a tous triché. Amen. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu ne sais pas qui est qui. Tout le monde est ange. Amen. Mais dans le secret, la chrétienté de beaucoup parmi nous s'arrête seulement à l'église. Lorsqu'ils sortent de l'église, ils ont laissé Jésus à Yongisho Chapel. On laisse Jésus et on se rappelle de Jésus lorsque le mercredi approche ou quand le dimanche approche. Vous voyez, dans ces conditions-là, tu ne peux pas t'épanouir. Jésus-Christ, s'il y avait une femme qu'on pouvait aimer, qui, bon, vous n'êtes pas tous mariés, sinon j'allais demander qui aime sa femme, ou bien qui aime son mari, mais qui aime son beloved. Amen. On ne peut pas comparer cet amour-là avec l'amour qu'on a pour le Seigneur. On ne doit même pas, ce serait un péché même de comparer. Amen. Parce que quand tu aimes Dieu, c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, qui surpasse l'entendement. Et c'est une joie de pouvoir passer une intimité avec lui, parce que sa parole, cette nourriture-là, elle est vivante. Lorsque tu passes même 6 heures sans manger, on ne te reconnaît plus. Tu fanes subitement. Ton visage devient dur. Tu transpires 6 heures sans manger. Tout change en toi. Tu es automatiquement de mauvaise humeur. Amen. Automatiquement de mauvaise humeur. Mais quand vous savez, Jésus a dit de sa parole que ma nourriture, ben lui, je dis sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Parce que ses disciples se plaignaient. Ses disciples disaient, mais nous on mange, et toi tu ne manges pas. On mange le kinké, on mange le banco, on mange le chicken, mais toi Jésus, on ne te voit pas manger. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui. Quand je suis en sa présence, la faim n'existe plus. La faim n'existe plus. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, hein, non, je ne sais pas pour vous. Souvent, quand je médite la parole de Dieu, je suis seul et je me chante de courir dans la chambre. Parce qu'il y a une joie que tu ne peux pas contrôler. Quand j'ai vu les adorateurs en train d'adorer, je voyais certains en train de se prosterner comme ça. Oh! Il transpirait! Il dit, hey! Les gens s'adorent. Amen. Il se met à genoux, il se lève, il tourne sur lui-même derrière le micro et puis il chante. Wow. Mais quand tu médites la parole, même ce que tu fais sur le stade, c'est petit. Tu ne pourras même pas t'asseoir. Tes fesses te brûlent. Amen. Et parce que on ne prend pas le temps de pouvoir développer cette intimité, notre Jésus devient impuissant. Il y a un de mes petits, quand il est rentré au Gabon, dès qu'il est arrivé à Libreville, la personne qui l'a accueilli lui a dit, welcome, rejoins-nous au backsliding. Yeah! Quel choc! Réjouis-nous! Tu es venu, ça c'était Accra. Accra s'est arrêté à Flao. Hey! Maintenant tu es arrivé même au quartier général. Welcome dans le backsliding. Quand il est parti, puis ses vacances, puis il est revenu. Il dit, Bishop, quand je partais, je ne pensais pas que j'allais backslide. Mais là, je suis revenu là. Il faut que je reprenne mon Dieu au sérieux. Si le fait de changer ta localité te pousse à rétrograder, alors il y a un problème. Il y a tout de sable, moins de ciment. Tu n'as pas respecté les normes. Tu as triché avec Dieu. Amen. Pourquoi Dieu va s'investir pendant 4 ans, il va prêcher pendant 4 ans. Tu es assis là, tu manges. Et seulement une heure hors de Kodesh. Et on te dit, welcome. Dans le backsliding. Alléluia. Donc, ce matin, on va prendre Josué chapitre 1. Au verset 8. Yeah. Josué 1, 8. Toute relation sérieuse nécessite une intimité. Il y a un frère. Il était en train de parler avec sa beloved au téléphone. Et il dit que sa beloved se plaint. Il n'appelle pas assez. Il n'est pas sur WhatsApp assez. Il n'écrit pas sur Facebook assez. Elle ne sent pas son amour. Le gars lui a dit, mais quand tu étais à Accra, j'étais là pour toi. Faut comprendre. Tu sais que Accra est dur. Maintenant tu es parti, c'est pas à tout moment que j'aurai l'internet. J'aurai les unités. Tu connais Accra comme moi. C'est pas facile, I cry. Tu connais. Mais la fille là-bas se plaignait parce que à cause de la distance, elle a senti comme un vide. Amen. mais c'est pareil aussi dans notre relation avec le Seigneur. Dieu est Dieu, il ne bouge pas. Mais quand on prend du recul, quand on passe moins de temps avec lui, alors notre intimité ou bien sa présence automatiquement diminue. Parce que si Dieu est avec toi, tu ne peux pas backslide. Non. Moi, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas dans mon langage. Amen. Si Dieu est avec moi, qui sera avec moi, contre moi? Qui va me séparer de lui s'il est avec moi? Amen. Qui va me dominer? Voilà pourquoi il faut te poser la question aujourd'hui. Le Jésus que tu sais, ton amour pour lui est de quelle hauteur? C'est de quelle hauteur? Amen. C'est une question que chacun de nous doit répondre. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Wow. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux, voilà pourquoi j'ai demandé, qui veut réussir sa vie chrétienne? Il n'y a pas d'autre secret. La parole de Dieu, tu dois la connaître. Tu dois passer du temps à la méditer. Vous avez déjà vu un élève qui n'étudie pas et qui va passer un examen. Un élève qui ne peut pas recevoir des cours. Quand je passais le bac, je faisais des veillées en train d'étudier mathématiques quand tu parles des racines carrées, physique. Tu vas étudier toutes les formules pour ne pas être dans la honte le jour de l'examen. On a tous veillé. On n'aimait pas le corps, mais à cause du bac. à cause de ce papier. On a veillé, surveillé, on appelait ça décapi. tu bosses dans le seul but d'avoir un papier. Mais personne ne peut veiller, méditer la parole de Dieu. Tu peux pas t'asseoir de minuit à 6 heures et seulement lire. Tu ne peux pas, tu vas dormir. Tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu n'es pas amoureux de Dieu. Non, tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu trompes Dieu. Yeah. Tu trompes Dieu. On a une opportunité tellement bénie. J'ai dit à un parmi vous ici, certains parmi vous, que ici, dans la fin de church, normalement, on ne doit plus prêcher de nouveaux messages. On doit mettre les CD de mamie tous les mercredis et dimanches. Et puis, on assoit, puis on écoute. Parce qu'elle a tout dit. Tout ce qu'il te faut pour pouvoir t'épanouir dans ta relation avec Dieu, elle a tout dit. Je ne sais pas qui a dit ça. Ah, ils sont là. Amen. On devait venir s'asseoir. Et puis, le DJ là-bas, mais, play. Et on écoute seulement le même message, on ne change pas. Le même message, on écoute seulement. Parce que si tu peux garder cette parole-là, il n'y a plus à t'enseigner encore. Cette parole-là va te sauver de beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si on fait... Mais je ne sais pas si Kodesh, c'est le seul endroit au Ghana où on peut s'épanouir, nous francophones. Voilà pourquoi on vient à l'église. Je ne sais pas. Si c'est parce que à la Dieu, il fait tellement chaud, donc tu veux l'air frais de Kodesh. Donc, tu quittes à la Dieu Insight pour venir à Kodesh pour avoir l'air frais, voir les belles voitures. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle tu viens. Même si c'est le quartier le plus beau d'Accra. Amen. Mais si vraiment tu viens pour recevoir de Dieu, mais tu as déjà tout reçu. tout ce qui te serait nécessaire, tu as déjà reçu. Par nos deux pasteurs qui sont là. Quand je vois Epi à cause pleurer sur la chorale, vous allez entrer là-bas. Elle ne sera pas là-bas. Non, mais ce n'est pas là-bas. Vous allez trouver le révérend Judas avec le ministre à Élysée. Est-ce que vous allez survivre? Lorsque Rosine est arrivée en Côte d'Ivoire, elle disait, oh, maman me prenait comme ça, maman me prenait comme ça. Elle dit, hey, maman est à Grao, ici là. Tu as trop mangé, maintenant tu dois courir. Tu dois courir maintenant. C'est fini les caprices. Amen. Amen. Yeah. Et au fur et à mesure, vous verrez que vous allez connaître Dieu. Je vais vous donner un secret. Beaucoup ne connaissent pas leur position en Christ. Voilà pourquoi ils souffrent. Amen. Dans Genèse, la Bible dit qu'il y avait deux arbres. C'est pas ça? Quel arbre et puis quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis l'arbre de la vie. Amen. Quand tu es venu au monde, tu es venu au monde, tu étais le fruit de quel arbre, selon toi? Il y avait deux arbres. À cause de Adam, on est tous venus en tant que fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yeah. Voilà pourquoi on est ce que nous sommes. On était ce que nous sommes. Amen. Ce que nous étions. Bons petits pécheurs. Même notre bonne œuvre, l'arbre de la connaissance du bien, c'est-à-dire ce mauvais arbre-là, il avait un semblant de bien aussi. Yeah. C'est le même arbre, un seul. Et connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi un bon païen, souvent, il pose des bonnes actions et il pense que ses actions vont le sauver. Il ne sait pas qu'il est déjà un fruit de l'arbre de la connaissance. Yeah. Et tous, on est sortis de là. À cause du péché. C'est pas ça? Maintenant, Jésus est venu. Et Jésus a payé le prix sur la croix. Ce qui se passe quand tu es né de nouveau, c'est que tu as été translaté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui a été greffé à l'arbre de la vie. Et parce que tu es greffé à l'arbre de la vie, tu es appelé maintenant à porter les fruits de la vie. Quand tu connais ta vraie position, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Christ l'a déjà vaincu. Tu es maintenant greffé à l'arbre de la vie. Tu n'es plus seul. La parole de Dieu vit en toi. La parole de Dieu t'influence. Et plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu la médites nuit et jour, tu agiras fidèlement. C'est possible. Oh, tu agiras fidèlement. Yeah. Et c'est à ce moment-là que, tu as vu, quand tu étais connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a du bon là-bas aussi, non? Yeah. Tu peux aussi porter fruit là-bas. Tu peux porter fruit, les bons fruits, tu peux travailler. Les païens travaillent, non? Les païens ont de belles voitures, non? Ils ont de l'argent, non? Hein? On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais quand tu es connecté à l'arbre de la vie, c'est le dessein de Dieu. Son projet de bonheur. Vous pensez que si j'étais pas chrétien, j'allais pas manger? Vous pensez que j'allais pas avoir de l'argent? Hein? J'allais avoir tout ça. Mais quand tu es connecté à l'arbre de la vie, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Voilà pourquoi notre destinée change dès l'instant où on est born again. Tes projets, tes études, ta veillée pour le bac s'arrêtent. Dieu n'a pas besoin de tout ça pour te faire réussir selon lui. tu es connecté à la réussite. Tu vas forcément réussir. Qu'il pleuve, qu'il neige, celui qui est avec toi te fera manger. Amen. Donc, parce que tu es connecté à l'arbre de la vie, alors les projets maintenant de Dieu seul, qu'il a formulé sans te consulter, ces projets-là maintenant sont mis à exécution. Et quand son projet arrive, il étouffe ton projet. Voilà pourquoi je suis ici. Il étouffe ton projet. Il te ramène au néant. Tu deviens un nobody. Et puis maintenant, tu dis, je te regarde, Seigneur, que ta volonté soit faite. Yeah. Et Dieu a sa volonté pour chacun de ses enfants. Et parce qu'on ne connaît pas notre position, on laisse encore les choses de ce monde nous distraire. Tu ne prends pas Dieu au sérieux. Parce que je ne sais pas ce que tu appelles amour. Je ne sais pas qui tu aimes. Amen. Tu n'aimes pas ton premier amour. Tu t'es refroidi. Tu lui as accordé 25% de ton temps. Tu ne lui permets pas d'utiliser le reste. Tu le mets au dernier plan. Dans cette condition-là, quand le vent arrive, tu ne pourras pas résister. Lighthouse, je ne connais pas toutes les églises, mais Lighthouse, c'est une bonne église. On a tous genre de pasteurs oint. Il y a une onction dans cette église, hein? Non. Quand tu regardes Bishop Dag, non. Cette onction-là, un jour j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi, quand je suis arrivé à Accra, tu m'as conduit à Lighthouse? C'est une question que souvent il faut poser à Dieu. Parce que nous, on ne sait pas, Lighthouse, c'est pas ma première église à Accra, oh. C'est la troisième. En un mois. Il y a quelque chose. Et quand je savais à Lighthouse, je ne savais pas que c'était une église internationale. Je pensais que maman était le fondateur. C'est par la suite que j'ai su. Amen. Donc, quand tu examines toi-même, tu sais si tu vas backslide, tu sais si tu vas backslide. Tu sais. Dans ton fond intérieur, tu sais. Si Linda part au Gabon, ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse réussir là-bas. Mais je ne serais pas étonné. Oh ben, tu serais étonné. Non? Parce que ça dépend de la manière dont tu prends ton Dieu. Et laquelle? Il ne faut pas y passer l'heure. Amen. Ça dépend. Si tu peux passer minuit à 6 heures en train de lire la Bible, ta vie ne sera plus jamais la même. Yeah. Quand je suis des films, je m'endors. Mais quand je médite la parole de Dieu, le sommeil ne me quitte pas. Yeah. Je ne sais pas ce qu'il y a de cette parole-là. Mais il y a une énergie qui se dégage. Et plus tu passes du temps avec cette parole, elle va t'influencer. Et parce qu'elle va t'influencer, toi-même tu sauras que les choses avec lesquelles tu luttais dans le passé, ces choses-là commencent à te lâcher sans effort. La délivrance, hein, c'est dans la parole. En plein lion. Là, les gens, on chasse les démons, hein. Tous les dimanches, c'est eux, on chasse les démons. Les démons, là, ne finissent pas. Avant qu'on commence ta prière, on sait qui va tomber déjà sur manifestation. Toujours c'est toi. Amen. Mais le diable, quand il sort, il va en vadrouille. Lorsqu'il revient et puis la maison, il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Il va revenir encore avec plus de démons. Si tu ne prends pas pas du temps à méditer pour savoir que ah, Dieu a dit que quand tu as des délivrés, voici ce que tu dois faire. 1, 2, 3. Tu ne prends pas le temps de suivre cela à la lettre. Tu seras surpris de te voir aller de mal en pire. Amen. De mal en pire. Ce matin, je veux que nous puissions tous nous examiner. Quelque part, on a triché avec Dieu. Quelque part, on s'est menti en nous-mêmes. Non, on s'est menti. Est-ce que vous savez que le chrétien ment? Le chrétien d'aujourd'hui, il ne dit pas la vérité. Quelque part, on a mis Dieu au second plan. Il n'est pas à sa vraie place dans notre vie. Voilà pourquoi c'est difficile. Ce n'est pas par hasard que Jésus a dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous déchargez sur moi. C'est pas une erreur. Quand vous lisez la Bible, il faut lire pour comprendre ce que Dieu a dit. Oh. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, moi Jésus, je vous donnerai du repos. C'est pas une parole en l'air. Non, mais c'est pas une parole pour te faire plaisir. C'est une parole qui doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois venir te décharger sur le Seigneur de tous tes fardeaux. Pour que tu sois allégé pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Au début, quand je lisais la Bible, j'avais versé, je dis, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est trop fort pour moi. Quand c'est bien dit, ouais, ça, c'est pour moi. Quand c'est dur, je dis, ça. Quand Dieu a dit, par exemple, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Je dis, ça, là, c'est pas pour moi. Comment Dieu peut me dire ça? Mais quand tu marches avec Dieu et que tu commences à grandir, il y a un niveau où tu dois aimer Dieu plus que ton père et ta mère. Oh, il y a un niveau. Il y a un niveau. Il y a un niveau où tu dois vivre ça. Donc, quand tu dis, voilà pourquoi la Bible est toujours d'actualité. Tu n'as pas encore atteint l'objectif. Mais quand tu suis le parcours, tu vas voir que chaque parole de la Bible s'accomplira. Jésus, on l'a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Cette prophétie est accomplie en lui. En toi aussi, ces prophéties doivent s'accomplir. Parce que tu es connecté à l'arbre de la vie. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va se lever. Tu vas élever ta voix et bénir le Seigneur. Bénis Dieu pour sa parole. Dis-lui merci. Nous te bénissons ce matin, Père éternel. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que, Père, tu nous aides. Nous te bénissons parce que tu nous apprends à marcher dans l'intimité, à étudier ta parole et à la connaître. Je veux te bénir ce matin, te remercier parce que, Père, tu nous aides dans nos faiblesses. Quelque part, nous avons triché. Père, nous avons triché avec toi. Et nous prions ce matin que tu nous assistes. Nous prions que tu nous aides. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à passer plus de temps dans ta parole, à l'étudier avec sincérité de cœur, afin que ton Esprit Saint puisse nous ouvrir les yeux. Ton Esprit Saint puisse nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions grandir et porter fruit comme tu le souhaiterais, dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis parce que, Père, tu corriges nos cœurs. Tu corriges nos faiblesses. Tu corriges nos manquements. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es ici pour la première fois, ou bien si tu es ici et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et aujourd'hui tu voudrais profiter de ce message, de ce temps, pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, j'aimerais que tu me fasses signe de la main. Tu vas seulement lever ta main droite, là où tu te trouves, si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais signe de la main. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis ce matin. Je te remercie une fois de plus pour tout ce que tu fais. Merci pour tes enfants que tu fortifies dans l'ensemble. Merci pour nos mains que tu soutiens. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas seuls, que tu nous enverrais un consolateur qui serait toujours avec nous. Nous croyons que nous l'avons reçu et nous croyons qu'il est manifeste dans nos membres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.